Gabriel. Vestments. J'investis. I need to restore my rhizomatic system. Restoring my neighborhood, my system, my rhizomatic system. T'aimes ta mère. Faut pas trop rigoler quand on chante. I need to restore my rhizomatic system. Because exploring des mécanismes de défense. Même le soir, très tard, malgré la prise de toxique, ça descend pas, ça résiste, ça défend, on défend. Des positions. Sensible. Rhizomatic system. I try, I fall. I try again. Yes, I try. Yes, I fail. Try again. Just try it. Sensation. Just to fail better. Vibration. able to make sounds again. Sounds deep. About to dance, about to listen, about to create, about to sing, about to create, about to dance, about to love, about to create, about to love. Danser sur le volcan. Pablo. Yann Le Rouge dans la place avec son frère Pablito qui d'habitude est un drummer. Yeah we sing the same song. Yeah we all gonna sing, sing the same song, same song. Same song, same song, same song, same song, same song, same song, same song, yeah. About to create, about to love, about to man, about to touch, about to dance, about to sing. Even when you are a drummer. me your hand. Mon camarade. Give me. Give me your hand, camarade. Send them out. Oui, je crois qu'on peut se croire égaux. Give me your hand. Camarade. Jam the same jam. Les oiseaux, les cascades. Se croire. Regarde comme il est beau. J'ai 5 doigts massés. Comme toi, il est beau. Car tu es capable. Il suffit juste d'y croire. Les oiseaux, les cascades. Ballon. C'est une boîte de sardines dans les bidons, dans les bidons, dans les bidonvilles. On est avec le déterminisme créé par le capitalisme. About to listen. Découvrir uniquement. About to share. Uniquement ton petit être. About to listen. About to share. About to listen. About to share. About to listen. About to share. About to listen. Porsche, Porsche. Top tu t'aimes. Thank you. Thank you, boy. Yann Le Rouge et Pablo au pied des Pyrénées. À 1h du matin. Music is the universe. About to make sounds. About to share. On this ninja session. Non, j'ai encore un verre. Plus lent, on l'aura. Bon. Ah, il nous demandait d'être plus lent. Ah merde. Ah ben à la fin, on same song.